The intention of tonight's talk is to give those of you who are practicing some more information so that you will understand more about your practice. Donc l'intention de l'enseignement de ce soir, c'est de donner à ceux qui pratiquent plus d'informations afin qu'ils comprennent mieux ce qu'ils expérimentent. Dans notre être, le corps et l'esprit apparaissent ensemble à chaque instant. L'esprit, c'est cette chose qui sait, et le corps ne sait rien, mais le corps est connu, enfin la matière est connue. Une analogie qui illustre cela, qui illustre comment le corps et l'esprit coopèrent, travaillent ensemble, c'est celle de l'aveugle et de l'handicapé physique qui coopèrent pour aller quelque part. Donc l'aveugle ne peut pas voir et donc il ne peut se rendre nulle part sans aide. L'homme handicapé physique qui est paralysé ne peut pas marcher et donc il ne peut non plus se rendre où que ce soit sans l'aide de quelqu'un d'autre. Mais s'ils se mettent ensemble, si l'homme handicapé grimpe sur les épaules de l'aveugle, eh bien, il peut servir Dieu pour l'aveugle, il peut le guider. Et c'est de la même façon donc que le corps et l'esprit coopèrent ensemble. L'esprit ne peut pas apparaître sans objet. Il n'apparaît pas tout le temps, il n'apparaît que lorsque l'objet est présent. Comment le corps et l'esprit se produisent-ils dans la vie? Lorsque l'on voit, par exemple, il y a d'une part la base visuelle, c'est-à-dire la partie de l'œil qui est capable de recevoir la lumière. Cette base est donc physique. Et puis il y a l'objet visible qui entre en contact avec l'œil. On peut dire qu'il frappe la base visuelle, qu'il percute la base visuelle. Et en conséquence, il y a une étincelle qui se produit et la conscience visuelle apparaît. En même temps, se produit passa, le contact, en pali passa, P-H-A-2-S-A. Et aussi, en raison du contact, se produit le ressenti ou la sensation qui est soit plaisante, soit déplaisante, selon que l'objet est plaisant ou déplaisant. Si on place son attention sur la vision lorsqu'elle se produit, ses composantes vont devenir claires, vont devenir apparentes. Il s'agit de réalités ultimes. Nous devons observer la vision dans son ensemble et ainsi voir ses différentes parties. Si nous ne le faisons pas, nous penserons « je regarde, j'observe » en plaçant un « je ». Et donc il est important d'observer ce qui se passe réellement, le corps et la matière qui se produisent réellement, d'observer le processus. Because of the contact, there's feeling, the sense of being pleasant or unpleasant. If it's a sound that is to our liking, then there's a pleasant feeling. It feels good to hear. If the sound is not to our liking, then it feels bad to hear. It's unpleasant. Il en va de même pour l'audition. Nous avons la base auditive dans l'oreille, c'est-à-dire les éléments matériels qui sont capables de recevoir le son. Et puis, il y a l'objet auditif, c'est-à-dire les ondes sonores. Et en raison de ces deux éléments, se produit la conscience auditive, c'est-à-dire que l'esprit apparaît, qui prend le son comme objet. Il y a en outre dans ce processus le contact et dû au contact apparaît la sensation, le ressenti, plaisant ou déplaisant. Si on aime bien le son, S'il correspond à notre goût, on le trouvera plaisant, et s'il ne correspond pas à notre goût, on le trouvera déplaisant. Donc si on parvient à observer ce son au moment précis où il se produit, on en viendra à connaître ses composantes, les composantes du processus. On ne les verra pas toutes en même temps, mais peut-être une fois on verra apparaître la base auditive, une autre fois on verra l'objet auditif, une autre fois on verra la conscience auditive qui apparaît, une autre fois on percevra le contact, on percevra peut-être aussi les ressentis agréables ou désagréables. Il en va de même pour l'odorat. Il y a dans le nez des récepteurs pour l'odorat, qui constituent donc la base olfactive. Et puis il y a les odeurs, plaisantes ou déplaisantes, qui viennent frapper la base olfactive. Et pour cette raison, en raison de cela, donc, il y a une étincelle qui se produit et la conscience olfactive apparaît. En même temps, il y a le sens du contact et en conséquence de ce contact, il y a le ressenti, soit agréable, soit désagréable, soit aussi neutre. Donc si on place son attention sur la base olfactive et qu'on note sentir, lorsque la concentration devient forte, nous verrons les différentes composantes de ce processus qui se produisent en même temps, qui se rassemblent en même temps. Et il en va de même pour le goût. Le goût peut être doux, astringent, amer, salé, etc. Lorsque nous mâchons la nourriture, celle-ci se mélange avec le goût, avec les qualités gustatives. Et la conscience gustative apparaît en prenant l'objet gustatif comme objet. En même temps, le contact se produit et en conséquence, la sensation, le ressenti agréable ou désagréable selon le goût que l'on a en bouche. Il en va de même pour le toucher, qui se produit donc à la base du corps, c'est-à-dire toute la surface du corps où il y a de l'humidité. Toute cette surface du corps est sensible et peut recevoir donc des objets du toucher. Les seules parties du corps qui sont insensibles au toucher, ce sont les ongles et les cheveux qui sont complètement secs. Donc l'objet de toucher frappe la base du corps, que ce soit depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur du corps, et l'esprit connaît cet objet. L'esprit apparaît, la conscience apparaît qui connaît cet objet. En outre, se produit le contact au niveau de la base corporelle. Et par conséquent, se produit aussi le ressenti, la sensation agréable ou désagréable selon que le toucher est agréable ou désagréable. Il faut comprendre que l'esprit ne peut pas apparaître sans l'existence d'un objet. Et l'objet ici doit être compris comme une canne pour un vieillard. Sans cette canne, donc, il ne peut pas y avoir d'esprit qui apparaît. Et il faut comprendre que dans ce processus, il y a à la fois des phénomènes physiques et mentaux qui sont impliqués. La base sensorielle, les organes des sens sont physiques ainsi que l'objet des sens est aussi physique. Par contre, l'esprit, enfin, la conscience qui apparaît et de l'esprit. Dans le cas de la pensée, des imaginations, des réflexions, etc., il y a aussi une base sensorielle qu'on appelle la porte de l'esprit. Et l'objet de cette base sensorielle de la pensée, des imaginations, des réflexions, etc., c'est quelque chose qui ressemble à de la vision, qui ressemble à du toucher, qui ressemble à de l'audition, etc., bien qu'il n'y ait pas réellement d'audition, de vision, etc. Mais malgré tout, cela se produit aussi dans l'esprit, et cet objet, même s'il n'est pas vraiment réel, il frappe aussi la porte de l'esprit, la porte sensorielle de l'esprit. On peut appeler ces objets des objets du Dhamma. Et la porte de l'esprit qui est frappée en l'occurrence, qui est percutée en l'occurrence, on l'appelle Bhavanga. Par exemple, lorsque l'on voit pendant la méditation des images, c'est un de ces objets du Dhamma. Et l'esprit, sur base donc sur base de cette rencontre entre la base sensorielle de l'esprit et l'objet du Dhamma, il y a une conscience qui apparaît. On sait, on connaît par exemple l'audition imaginée ou la pensée ou les imaginations, etc. Et en même temps, il se produit un contact sensoriel et par conséquent, il se produit aussi un ressenti, une sensation, soit agréable, soit désagréable. Bien sûr, tout ceci, nous devrions comprendre que c'est la théorie. Et quand on pratique la méditation, on en vient à connaître tout cela pour nous-mêmes. Et il faut comprendre aussi qu'en toutes ces occasions, l'esprit et le corps se produisent, autant pour la vision que pour l'audition, que pour le goûter, la sensation olfactive ou gustative, et aussi pour la pensée. Lorsque la vision se produit, nous devrions l'observer comme un tout. Vision, ou bien voir. Et ce ne sera pas efficace si nous ne le faisons pas, si nous n'observons pas le phénomène comme un tout. Un principe de vipassana, c'est de noter ce qui est apparent. Dans le cas ici de la vision, on note voir. Et il ne serait pas réaliste de sélectionner l'une de ces composantes qu'on vient d'énumérer et de l'isoler du reste. Nous devons donc observer l'ensemble du processus. Mais en plaçant notre attention sur l'ensemble du processus, il y a une de ces parties, une de ces composantes qui va nous apparaître plus fortement que les autres. Et ce qui ne veut pas dire que les autres parties ne soient pas présentes en même temps. Ces composantes, ces parties, arrivent, se produisent en même temps, se rassemblent, et pour cette raison, le processus de la vision, par exemple, peut se produire. Et ce n'est qu'à ce moment-là, qu'au moment où le processus se produit, qu'on peut l'observer et qu'on peut comprendre ce qui se passe. Mais tous ces phénomènes apparaissent et disparaissent à très grande allure. Et si on veut les voir, il nous faut ralentir un peu nos activités. Sans quoi, l'esprit ne pourra pas rattraper ces objets, aller aussi vite que ces objets, se mettre à leur rythme. Il y a beaucoup de choses qui se produisent lorsqu'on change de posture, par exemple qu'on est en posture debout et qu'on va s'asseoir, ou quand on est assis et qu'on commence à marcher, ou quand on est assis et qu'on va se coucher, ou à l'inverse quand on est couché et qu'on s'assied. Tout ça représente de gros changements de posture. Et il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. Il est important d'observer ces mouvements à ce moment-là où ils se produisent. si on commence à s'intéresser à regarder ce qui se passe autour de nous, par exemple les oiseaux qui chantent, etc., il va devenir de plus en plus difficile de rendre l'esprit satisfait ou l'esprit heureux, content de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, de regarder nos propres phénomènes. Donc, si on veut voir le processus de la vision, nous devrions nous comporter comme si nous étions aveugles. Il ne faudrait pas s'intéresser au contenu de ce qui est vu, aux objets qui sont vus, mais seulement au processus de la vision. Il faut seulement essayer de connaître ce processus. Lorsqu'on voit quelque chose qui se produit, nous n'avons pas besoin d'observer. Pardon, excusez-moi. Lorsque l'on voit quelque chose qui se produit et que nous n'avons pas nécessairement besoin de voir cela, que cette chose s'impose à nous sans que nous n'en ayons vraiment besoin, il faut se concentrer sur le processus et ne prêter aucune attention au contenu. C'est donc ça que je veux dire. Par contre, si vous avez la nourriture devant vous et que vous devez la prendre avec votre fourchette, bon, à ce moment-là, il faut faire un peu attention à l'objet visible, mais sinon, il faut seulement s'intéresser au processus. Si on ne fait pas cela, l'esprit va répondre, va réagir à l'objet. Si c'est un bon objet, on va se dire, oh, comme c'est beau, comme c'est plaisant, j'aimerais bien revoir cette chose-là, ou bien réentendre cette chose-là. Si par contre c'est un objet déplaisant, on va se dire, oh non, comme c'est vilain, espérons que je ne sois plus jamais confronté à ça. Autrement dit, si c'est plaisant, le désir va apparaître, et si c'est déplaisant, la colère va apparaître. Donc il est important d'observer l'objet au moment où il se produit, avant que le fait d'aimer ou de ne pas aimer apparaisse. Il en va de même de l'audition. Lorsque l'audition se produit, lorsque l'on entend quelque chose, même si on a parfaitement bien entendu, il faut agir comme si nous n'avions pas entendu, comme si nous étions sourds. De la même façon, bien que nous soyons intelligents ou sages, bien que nous sachions ce qu'il faut faire dans le monde, nous devrions agir comme si nous ne savions pas. Ici, nous essayons d'apprendre, et pour faire cela, il est important d'adopter l'attitude du débutant. Si par contre, on se souvient toujours de tout ce qu'on sait déjà, de tout ce qu'on a déjà appris, tout ce qu'on est capable de faire, on n'aura pas tellement envie d'écouter ce que dit l'enseignant. Donc il faut se considérer soi-même comme un débutant. Bien que nous soyons forts et en bonne santé, nous devrions agir comme si nous étions faibles. Si chaque fois on dépense toute son énergie, toute sa vitesse, toute sa force pour agir, on n'aura pas le temps de... L'esprit ne pourra pas suivre le rythme. Nous devrions ralentir le rythme. Il y a des millions de consciences qui se produisent à chaque instant. Donc les phénomènes physiques et mentaux se produisent à grande vitesse. Et donc nous devrions ralentir. Si vous savez déjà ce que je suis en train de dire, dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'écouter cet enseignement, mais parfois il est bon aussi de réentendre quelque chose qu'on a déjà entendu précédemment. Donc il y a beaucoup de métaphores qui illustrent la façon dont nous devrions ralentir nos mouvements, la façon dont nous devrions considérer la pratique, et la façon par laquelle nous pouvons garder l'attention, maintenir l'attention. Cette retraite est très courte. Nous essayons d'apprendre la façon de méditer. Il y a certaines personnes qui ont déjà un peu d'expérience en méditation, qui essayent d'aider dans la mesure de leurs possibilités. Mais réfléchissez à combien d'années il faut pour recevoir une éducation. C'est impossible de tout avoir en une seule fois. On ne peut procéder que par étape, étape par étape. Nous avons reçu une éducation primaire pendant plusieurs années, et puis secondaire pendant 4 ans, et puis encore un certain nombre d'années à l'université ou à l'école supérieure. Donc nous devrions montrer un peu de patience. Donc ce que je veux dire ici, c'est que nous devrions profiter d'être ici pour ralentir, pour voir nos propres processus intérieurs, pour comprendre la façon dont fonctionne le corps et l'esprit, pour acquérir cette connaissance qui apporte la paix et la liberté. On vient ici parce que chez soi, ce n'est pas facile de développer cette pratique. Dans la vie quotidienne, ce n'est pas facile. Ici, il y a un cadre qui le permet. Bien sûr, lorsque nous retournerons dans la vie quotidienne, il ne sera pas possible de ralentir à ce point les mouvements, de traverser la rue à une allure d'escargot. Mais ici, nous avons l'opportunité donc de développer l'effort, l'attention et la concentration. Il y a un cadre qui permet de faire cela. Aussi, je voudrais ajouter que si certains d'entre vous rencontrent des difficultés, je peux en parler avec eux dans la bibliothèque après l'enseignement. My question is, isn't that the observation that changes the object? I mean by that. Donc la question c'est, est-ce que ce n'est pas l'observation elle-même qui transforme l'objet observé? Par exemple, lorsque j'observe la façon dont je marche, naturellement, elle ralentit d'elle-même. Mm-hmm. Is it the same for the feeling of pleasant, unpleasant or... La réponse est non, ce n'est pas parce qu'on observe la marche qu'elle ralentit, c'est parce qu'il y a l'intention de ralentir qu'on ralentit, ou à l'inverse, parce qu'il y a l'intention d'accélérer qu'on accélère. Donc c'est l'intention mentale qui est décisive. Alors l'autre question, mais de la même façon, est-ce que ce n'est pas l'observation qui transforme par exemple le caractère plaisant, déplaisant ou neutre de l'objet observé? Par exemple, lorsque je sens quelque chose et que je me dis que cette odeur n'est pas bonne, mais qu'après je me dis c'est juste une odeur, est-ce que c'est pas à nouveau donc l'observation qui transforme l'objet observé? Et la réponse c'est, en fait, c'est quand on parvient à saisir l'activité de sentir au moment où elle se produit, il y aura moins de « Oh, cette odeur n'est pas bonne » et plus de « Oh, ce n'est qu'une odeur après tout ». Donc il y aura plus de liberté.